La prochaine intersection, je devrais céder le passage en face pour aller à Dijon. Oui, réponse A. Non, réponse B.